franceinter.fr. Bonjour, chers écouteurs. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. . 1917, les artistes et la guerre. Ô mes amis partisans en guerre, où sont-ils, Braque et Max Jacob, de Reims aux yeux gris comme l'aube? Où sont Rénal, Billy, Dalize? Où est Kremnitz qui s'engagea? Peut-être sont-ils morts déjà. 1914, Apollinaire avait mis toutes ses forces dans un combat qu'il jugeait fantastique. Les mois avaient passé. Le carnage ressemble à une moisson, disait Claudel. Peut-être, mais la moisson dure moins longtemps. 1917, interminable, la guerre ne cessait de se renouveler. Apollinaire pensait plus que jamais qu'elle vérifiait les intuitions des avant-gardistes qui l'avaient précédé. Et son ami Léger disait « Il n'y a pas plus cubiste qu'une guerre qui te divise un bonhomme en plusieurs morceaux et te l'envoie aux quatre points cardinaux. » Dadaïste, surréaliste, vont penser de même, l'humanité étant renversée, comment l'art resterait-il debout? C'est une question à laquelle tente de répondre une exposition aussi importante que déconcertante qui se tient jusqu'au 24 septembre au Centre Georges Pompidou de Metz. Un superbe catalogue est édité à cette occasion par Claire Garnier et Laurent Lebon. Et dans les textes d'ouverture, celui d'Annette Becker. Bonjour Annette Becker. Bonjour. On a mis en exergue Apollinaire, parce que l'un de vos derniers livres est consacré au poète, c'est chez Talendier. Alors, puisque je suis dans les titulatures et énumérations, votre mandataire exige que votre position universitaire soit bien spécifiée. Alors, allez-y, Annette Becker. L'Institut universitaire de France. Oui, parce que l'Institut universitaire accorde aux universitaires des temps, quand ils ont été sélectionnés, de liberté temps, pour la recherche. Temps et de l'argent pour la recherche, ce qui est très très précieux dans notre monde. Et il faut en faire la publicité de cet Institut universitaire de France. Alors, trêve de plaisanterie, revenons aux choses graves. Les mois ne sont pas longs, ni les jours, c'est encore Apollinaire qui parle. C'est la guerre qui est longue. On est dans la quatrième année de guerre en 1917. Et c'est une guerre qui ne cesse en effet de se renouveler et de s'étendre, les premiers tanks, les premiers Américains. Oui, en fait, elle s'est étendue tout de suite. La guerre est une guerre européenne. L'Europe a énormément de colonies. Et donc, dès le début de la guerre, on a une guerre qui est absolument mondiale. Elle est mondiale, elle est globale et elle est totale, puisque dès le début de la guerre, énormément de civils sont aussi touchés dans toutes les zones d'invasion. Donc on a une longueur qui est aussi une grandeur. Et cette grandeur, c'est immédiatement, je dirais, la modernité extraordinaire des combats et le nombre extraordinaire des morts. Et on du deuil qui s'abat sur le monde. En 1917. Grande incertitude à l'ouest avec l'entrée en guerre des États-Unis. Les Australiens sont en guerre en 1917. Les Australiens sont en guerre depuis le début. Non, je dis ça parce que ils sont... vous avez une dilection pour l'Australie. Absolument. Grande incertitude à l'est avec la première et la seconde révolution russe. On se souvient aussi dans la mémoire populaire de 1917, comme de l'année de l'offensive du chemin des dames, qui a été menée par Nivelle, dont les soldats eux-mêmes attendaient beaucoup. Mais l'échec a scellé cette offensive. Et ensuite, peut-être 30 ou 40 000 hommes ont été concernés par des mutineries qui vont donner lieu à de nouveaux mots d'ordre. Ici, un extrait des Croix de Bois. Tu prends la première garde avec le moine. Oui. C'est toujours au même de se faire fait, quoi. Rayon des fleurs, mon vieux, il est fermé. Ah là là, tu parles du mieux. C'est ici qu'on a tiré. C'est encore vous, Chupin. Mais mon adjudant... C'est vous, j'avais donné des ordres. C'est la première fois que je tire depuis trois mois. Je vous défends de discuter. Vous serez puni. Oh, c'est bon, vous ne les tueras plus, vos boches. Mais alors, je me demande de ce qu'on fout ici. Sans doute Pétain, qui a relevé Nivelles, a-t-il donné l'ordre de ne pas prendre d'initiative si on n'a pas un minimum d'assurance? Oui, la catastrophe du chemin des dames vient du fait qu'il était impossible de mener cette attaque. Tout le monde le savait, mais Nivelles a quand même voulu la mener. Et ce que fait dire ici Dorgelès ou Raymond Bernard, on est quand même en 1931 quand le film de Raymond Bernard date de 31. Voilà, donc il y a peut-être une réécriture, même certainement une réécriture. Mais c'est très important ce film de Raymond Bernard, parce que c'est des images que tout le monde a vues. Et c'est des images qui ont été tournées sur les champs de bataille eux-mêmes. Et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, très souvent, notre vision de la guerre vient du film Les Croix de Bois. L'exposition de Metz procède à une réécriture de l'histoire de la peinture et fait une large place aux arts plastiques, évidemment. Paris demeure capitale des arts plastiques et en même temps, le milieu des peintres est très dispersé. Il y a une dispersion qui est d'abord la dispersion due à la guerre. C'est-à-dire qu'avant la guerre, il y avait des rencontres internationales. Les peintres allemands venaient à Paris, les peintres français ou les artistes français. On parlait d'Apollinaire. Apollinaire allait à Berlin pour des expositions, pour être critique d'expositions. Il devait même y aller en 1915, mais là, ça a été annulé. Et puis, les contacts internationaux sont brisés. Et bien sûr, les contacts à l'intérieur du pays, puisque les jeunes peintres... sont mobilisés, bien sûr. Alors, ils se retrouvent sur le front, mais certains, votre ami Apollinaire le leur reprochera, choisissent de s'éloigner. Apollinaire en veut beaucoup. Il en veut beaucoup à Delaunay, bien sûr, hein, qu'il considère comme plus qu'un embusqué, comme un déserteur et un traître. Il en veut moins à Duchamp, qui est pourtant parti pour New York, pendant que ses frères, eux, sont engagés dans le combat. Un de ses frères, d'ailleurs, va mourir dans cette guerre, mourir de maladie, mais mourir. Donc on voit très bien, dès le début de la guerre, toutes les options sont possibles. Enfin, Duchamp dit « je pars pour New York », mais en fait, je pars de Paris, parce que Paris reste une capitale où il y a encore beaucoup d'expositions, beaucoup de galeries ouvertes. Tout à fait, bien sûr. Les marchands continuent à vendre. Il y a même des expositions tout à fait d'avant-garde pendant la guerre. Il y a aussi les expositions d'art des tranchées, où on présente la manière dont on fait d'un obus un vase... D'art des tranchées et aussi d'art brisé, cassé par les ennemis, qui est présenté dans une énorme exposition au Panthéon. Les peintres, quand ils sont au front, souvent sont lassés au bout d'un moment et aspirent à la section camouflage. Oui, il n'y a pas que les peintres qui sont lassés. Hein. Je crois qu'il faut voir très vite que le poids de la guerre est atroce et qu'en 1917... On continue parce qu'il y en a tellement qui sont morts qu'on ne peut pas s'arrêter et laisser ces morts sans victoire. Mais beaucoup essayent de trouver des échappatoires. Et les peintres qui rentrent au camouflage sont très contents de pouvoir travailler pour la guerre, parce qu'ils travaillent pour la guerre, ils permettent à la guerre d'être plus efficace, mais en même temps... C'est beaucoup moins dangereux. Qu'est-ce que c'est le camouflage? Vous parliez du chemin des dames. On est capable de démonter et de remonter en une nuit une chapelle de 400 mètres pour que les tirs des ennemis soient déréglés. Mais en matière de peinture... On peut faire des choses différentes. On peut camoufler au sens premier, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les canons. Mais on peut aussi faire des faux canons qui, eux, seront visibles, parce que c'est sur cela qu'on tirera. Donc, c'est dans les deux sens. Le camouflage, au départ, aurait dû être, et c'est ce que son inventeur voulait, Guingot, ça devait être une protection des hommes, et des âmes peut-être aussi, c'est-à-dire des uniformes camouflés. Mais très rapidement, ce n'est pas ce qu'on a fait. Ça a servi surtout pour rendre la guerre plus efficace. Fernand Léger, on le citait tout à l'heure, on va entendre... un extrait de sa correspondance lu par Jacques Gamblin. Il avait accédé à la section camouflage? Oui, tout à fait. Il voulait absolument aller au camouflage parce qu'il en avait par-dessus la tête d'être en première ligne. Quand tu as la chiasse Écoute-moi bien, que tu es gelé, mal couché dans du foin humide, que tu es tassé entre 200 types qui dorment et qu'il faut que tu sortes car cela presse. Tu n'as ni allumette, ni bougie, et cela presse. Tu enjambes tous les bonhommes qui t'engueulent. Tu trouves moyen de sortir, mais pour rentrer, tu n'as plus le petit jour de la porte pour te guider. Tu ne vois plus rien. T'es obligé de coucher dehors parce que tu ne peux plus retrouver ta place. Hier soir, deux bataillons de Biffin sont revenus des tranchées après avoir passé 29 jours dedans. Je ne connais rien de plus poignant que ces spectacles muets et sans parade. Il faut avoir vu arriver ces pauvres bougres-là pour savoir ce que c'est que la guerre. Question pour Léger et ses camarades, est-ce qu'on peut peindre de front le front ? C'est difficile de peindre le front de front, tout simplement parce qu'on ne peut pas installer une toile. Donc le résultat, c'est qu'il y a des peintres armés qui vont en mission et qui peignent une fois qu'ils sont revenus à l'intérieur, qu'ils sont revenus à l'arrière. On a inventé ça fin 1916 avec notamment le sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts, alors Bonnard, Maurice Denis, Valoton, Vuillard sont partis. Un très grand nombre de peintres sont partis. Et d'ailleurs, dans l'exposition, les tableaux de Valoton et de Vuillard sont particulièrement intéressants. Mais chez Maurice Denis, c'est plutôt soirée calme au front, ruine après la bataille. Oui, mais ces peintres en mission, en général, ne sont pas des combattants. Mais il y a des combattants qui, eux, font des carnets. Les carnets les plus extraordinaires sont sans doute ceux d'Autodix. Et là, on voit la violence. Alors, donc, Autodix, on est du côté allemand. Là. On est du côté allemand. On a donc une grande différence entre ceux qui combattent et qui dessinent et ceux qui ne combattent pas, très, très, très nettement. Alors, nous sommes encore aux marches de l'histoire avec deux personnes, Ramuse et Stravinsky, qui se tiennent un peu en retrait depuis la Suisse, où, fin 17, ils commencent à composer l'histoire d'un soldat. Entre Donge et de Neuzy, un soldat rentre chez lui. De congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. A marché, a beaucoup marché. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. 1917, les artistes et la guerre en contrepoint de l'exposition du Centre Georges Pompidou à Metz qui se tient jusqu'au 24 septembre avec l'historienne Annette Becker. Quand Ramuse écrit sur la manière dont il a travaillé avec Stravinsky à cette époque, il dit ben, « Nous avons cheminé vers les vignes, nous avons bu à l'auberge et nous nous sommes aperçus que nous n'étions pas un Russe et un Suisse, mais deux personnes de deux pays qui faisaient ensemble partie du même monde. On a en commun un père, une mère et on s'en aperçoit à chaque instant. » C'est l'interprétation traditionnelle, humaniste, presque pacifiste qu'on donne de ce morceau de musique si connu. Je trouve que c'est une interprétation très, très intéressante, mais un peu vue d'un seul côté, du côté du Suisse. Parce que le Russe en question, il a d'abord été très, très, très anti-allemand. Il avait écrit « Souvenir d'une marche boche au début de la guerre ». Mais je crois quand même que Ramuse a raison. Et moi, j'y verrais une autre interprétation. Il y a un pacte faustien entre ce soldat et le diable. Et il reste si longtemps avec le diable que quand il revient dans son village, on ne le reconnaît pas. Ni sa mère, ni sa fiancée, personne ne le reconnaît. Et je verrais bien le pacte faustien comme la guerre elle-même. En fait, il est à la guerre et il revient brisé, défiguré, peut-être blessé de la face. Et on ne peut plus le reconnaître parce que la guerre l'a transformé. Et je verrais l'histoire du soldat beaucoup moins neutre que ne le présente Ramu, mais un peu comme une métaphore de cette guerre qui n'en finit pas en 1917 et qui a ce rebondissement horrible pour Stravinsky, c'est qu'il est russe, la Russie est en révolution et il est désormais bloqué. Il ne sait plus où aller. On ne reconnaît pas le soldat à son retour. Est-ce qu'on reconnaît la guerre quand on interprète musicalement avec une petite formation? Il n'a plus de grands orchestres à sa disposition, Stravinsky. La même question peut se poser, revenons à l'exposition de Metz, pour les peintres. Le combat se cache, se fragmente, il y a des explosions partout. Comment est-ce qu'on peut peindre l'explosion d'un obus ou un bombardement? C'est intéressant et on voit comment la guerre, à la fois dans sa modernité technique, peut aussi répondre à une modernité qui était celle de l'avant-garde juste avant. C'est la modernité cubiste, vous avez cité Léger tout à l'heure, c'est la modernité expressionniste. Un Meiner, avant la guerre, montrait déjà des explosions d'obus ou des guerres bombardées. Et c'est quand même extraordinaire que ces avant-gardes, le mot est militaire, inventé comme militaire, sont aussi à l'avant-garde de la réflexion sur la représentation de la guerre. En Suisse d'ailleurs, toujours la Suisse, on va encore plus loin dans l'accomplissement des avant-gardes. Dada va infliger à la culture le même traitement que la guerre inflige aux hommes et aux peuples. Témoignage de la figure de proue de Dada, Tristan Tzara. À Zurich, en 1916, quand j'étais encore un jeune homme et que nous avons fondé la revue Dada, il faut dire que Picasso, Braque et Léger, enfin, en général, la peinture cubiste, était pour nous ce qu'il y avait de plus merveilleux, de plus extraordinaire. Dada a été violent et le scandale qu'il a suscité, il le considérait comme partie intégrante de son activité. Il se dressait contre les dogmes et les systèmes. Mais, comme on le sait, le manque de système est aussi un système, mais le plus sympathique. En gros, il fut un mouvement subversif d'idées commun à une certaine jeunesse pendant la Première Guerre. Il a heurté de front les conventions, les idées toutes faites et les prétentions de l'époque. Il était né du dégoût de la guerre et de la révolte contre un état de choses particulièrement hypocrite et odieux. Alors Tzara s'exprime beaucoup d'années après, en 1961, au micro de Paul Chavas. Une revue, un cabaret, un mouvement. Tzara a gardé son accent roumain et c'est intéressant de revenir à cela. Cette Suisse neutre est au cœur du plus grand creuset artistique international, puisqu'il y a à Zurich des Allemands, des Roumains, des Russes, des Français, bien sûr, des Belges. Je pense au peintre Mazurel, tout à fait extraordinaire. Donc, on est aussi dans un creuset anti-guerrier qui, finalement, comme vous le disiez fort justement, est une autre forme de mobilisation. Mais de mobilisation dans un trépignement, comme il disait, et dans un refus de la guerre qui est une autre façon de mener bataille. Bon, vous êtes une internationaliste convaincue, Annette Becker. Mais moi, je vous dirais qu'ils étaient un peu francophiles, tout de même, à Dada, d'autant qu'à Paris, cette même année 1917, il se passait beaucoup de choses. Ainsi, au Châtelet. Alors, Stravinsky travaillait moins avec les ballets russes pendant la guerre. Les ballets russes, quand ils étaient rarement en Suisse, tournaient là où ils pouvaient, outre-Atlantique, en Espagne, chez Alphonse XIII. En Italie, où ils préparent à Rome, un spectacle qui va être donné en mai 1917, au théâtre parisien du Châtelet, musique de Satie, chorégraphie de Massine, un gigantesque rideau de scène de Picasso exposé au centre Georges Pompidou à Metz, et puis évidemment, toujours indispensable ou se rendant indispensable, Jean Cocteau. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de transporter, comme Picasso faisait pour les objets, dans un autre monde, les gestes. Par exemple, les gestes de Massine étaient à l'époque des gestes de grimace. Je voulais transporter des gestes réels jusque dans la danse. Et le travail se faisait dans une cave qui s'appelait la cave Taglioni. Picasso a été très aidé dans la construction de ses managers, de ses grandes carcasses par les futuristes. Et vous savez que le tout a fini au Châtelet par un effroyable scandale. On voulait nous tuer, des dames se précipitaient sur nous avec des épingles à chapeau. Nous avons été sauvés par Apollinaire parce qu'il avait la tête bandée, il était en uniforme et on le respectait. Il se mettait devant nous comme un rempart. Ce qui résume ce scandale, c'est le mot que nous avons entendu, Picasso et moi, un monsieur qui disait à un autre, Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants. Annette Becker, dans vos commentaires sur cette représentation qui a provoqué un charivari, disait Cocteau. Le charivari, il était bien aimé par Cocteau. Parce que Cocteau, en fait, ce qu'il voulait faire, il le disait, il voulait faire un trompe-oreille. Et donc, il voulait que la musique de Satie soit traversée par ce qui avait été inventé par les futuristes italiens, c'est-à-dire le bruitisme. Et là, on l'a très bien entendu, cette espèce de sirène. Alors, cette sirène est peut-être une sirène d'usine ou c'est une sirène militaire. On est en 1917. Mais je trouve très, très, très intéressant de voir que pour la musique, comme pour les arts, on a l'idée de tromper. Et d'ailleurs, Cocteau disait « trompe l'oreille ». On peut dire que parade est pour l'oreille et pour les yeux une forme de camouflage. Mais aussi dans le rideau de scène de Picasso, d'assemblage. D'assemblage, tout à fait. Parce qu'il y a toutes les écoles de Picasso réunies sur cette gigantesque pièce qu'on ne peut plus présenter à Paris, mais que la nef de Metz est suffisante pour présenter. Vraiment, si les auditeurs peuvent aller à Metz, rien que voir le rideau de scène de parade, c'est immense. Peinture absolument extraordinaire. Et on voit justement que Picasso, le cubiste, met un petit peu de cubisme dans un coin. Il y a des arlequins tout à fait dans sa manière. Mais par ailleurs, il y a des figures qui ressemblent tout à fait à ces périodes précédentes. Et c'est ce mélange, une fois de plus, qui est celui de la guerre. On va de l'avant et aussi... on retourne en arrière dans l'horreur des combats et tout cela mélangé. Ah, ça, c'est une thèse qui est défendue par un historien bien connu. Une de nos auditrices me prie d'ailleurs de vous poser une question à ce sujet. On doit représenter un monde d'épouvante. On ne le peut pas. Et on va peut-être, dans un cas sur deux ou deux cas sur trois, choisir dans ce climat de crise de... l'art, la négation du monde moderne, le refuge dans le passé. Picasso fait sa cour à une danseuse des ballets russes, Olga, et il va entrer dans une période qu'on dit néoclassique, de retour à l'ordre. Oui, c'est un historien de l'art américain, Silver, qui a lancé le premier dans un très beau livre, cette idée du retour à l'ordre. Je crois qu'il a à la fois raison et tort. C'est toujours un peu plus compliqué que cela. Bien sûr qu'un certain nombre d'artistes regardent vers le passé parce que la guerre est impossible à représenter. Mais il y en a tellement qui la représentent. Je crois qu'elle est beaucoup plus inaudible et invisible pour nous aujourd'hui, parce que cette horreur est insupportable pour nous qu'elle ne l'était pour eux à l'époque. En mai 17, au moment de parade, Apollinaire nous disait Cocteau est là qui protège des assauts des dames avec leurs épingles à chapeau. Il a la tête bondée. Il est blessé dans sa tête avant d'avoir été, dites-vous dans votre livre sur Apollinaire, blessé à la tête et il est maintenant à Paris, en uniforme, après trépanation, toujours patriote, mais un peu déconcerté. Il est extrêmement patriote et ça ne le quittera jamais. Et d'ailleurs, certains de ses amis d'avant-garde, certains de ses amis Dada, y compris Zara, trouveront peut-être même qu'il est trop patriote. Mais là, on va utiliser son patriotisme, et de nouveau aussi dans sa pièce Les Mamelles de Tirésias. Et c'est intéressant de le voir arriver tête bandée avec cette espèce de bandage en cuir qu'il avait sur la tête, ses décorations, et en plus la représentation de parade était pour les mutilés. Donc c'était en même temps une œuvre de guerre. Et donc il représente là l'homme qui est à la fois l'avant-garde et la guerre, qui est à la fois les deux dont nous parlons aujourd'hui. Un mois plus tard, il donne Les Mamelles de Tirésias dans un petit théâtre de Montmartre qui est plein, comme l'est un obus d'ingrédients explosifs. Alors l'histoire, c'est celle de Thérèse qui veut cesser d'être une femme traditionnelle, puisque la guerre permet beaucoup de changements, et qui va devenir Tirésias. Écoutez, oh Français, la leçon de la guerre, et faites des enfants, vous qui n'en faisiez guère. Ça va être la catastrophe, ça va être la catastrophe. Oh, pas du tout, ça bouge. Vos mamelles vont être un triomphe. Mieux, foi de Pierre-Albert Biro, un événement. Le premier drame surréaliste. Toute la jeune poésie est dans la salle. Regarde, Reverdy, Breton, Aragon. Ce n'est pas parce que vous m'avez fait la cour dans le Connecticut que je dois vous faire la cuisine à Zanzibar. Allez, allez, donnez-moi du lâche. Constitution par Marcel Camus dans un téléfilm de 1980, Les Amours du bien-aimé. Bah oui, l'humanité s'étant renversée, on pourrait imaginer que les femmes deviennent des hommes, mènent la guerre, que les hommes fassent les enfants. Les hommes sont morts en masse. Et ça, c'est une chose sur laquelle il faut insister. On est en 1917, il y a des millions et des millions de morts. Et Apollinaire est très patriote et il pense que la guerre, d'une certaine façon, régénère les âmes. Mais la guerre a détruit tant d'hommes. Alors comment faire le maximum d'hommes avec cette idée de farce ? Et comme toujours avec Apollinaire, il est à la fois à l'avant-garde dans une modernité absolument extraordinaire, mais il est déjà contesté. Et de la même façon que lui avait sauté sur la scène de parade avec ses décorations, eh bien, il a Jacques Vacher et Breton, les tout jeunes dada à l'époque, ou à peine dada, qui vont devenir les symboles du surréalisme. Et je dirais que le surréalisme, c'est un grand camouflage linguistique de Breton qu'il a volé à Apollinaire. J'ai tant aimé les arts que je suis devenu artilleur, Apollinaire. Il y a eu tant d'artillerie. Comment peut-il encore y avoir des arts quand l'humanité est renversée ? C'est ça la question que pose l'exposition 1917 à Metz. Exactement, et qui la pose extrêmement bien. Avec, en prolongement, un colloque qui aura lieu le 20 et le 21 septembre pour renseignement sur notre site auquel vous participerez. Annette Becker, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Demain, nous parlons de l'Amérique française au XVIIIe siècle. Élection au Québec oblige. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin. La réalisation, Jacques Sigal. Je n'oublie pas Camille Poux, Jalaguier. Et nos techniciens, Renan Mahé et Michel Bézikian.